C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Bonne matinée sur Fun Radio, c'est Mickaël à la radio et le warm-up jusqu'à 6h30. Voilà, j'espère que ça se passe bien chez vous au niveau du réveil. Il y aura les infos tout à l'heure à 6h30. On vous paiera vos factures aussi tout à l'heure au 63-22 en débutant le message par facture. Ce sera à 7h10, 8h10 et 9h10. Vous pouvez vous inscrire et puis nous on vous rappelle, peu importe l'heure. 63-22, débutez le message par facture tout simplement en mettant le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Bon, Batoff va donc tenter de rappeler maintenant des agences intérim afin de trouver du travail. Mais ouais, mais bon, je me suis mis la barre un petit peu haut quand même, hein, puisque bon, je veux du travail, mais j'ai jamais rien fait de ma vie et je sais pas ce que je veux faire dans ma vie. En gros, tu rêves. Non, j'irai pas jusque là, mais. On sait jamais. T'as une petite place qui se libère, j'appelle au bon moment et hop, je suis là, je suis disponible. Ben c'est ça, on sait jamais, effectivement. Et voilà. Bon, ben très bien, on va voir ça maintenant. On appelle où maintenant alors du coup? On avait fait Charleroi tout à l'heure, donc. Là, on va aller à Marchand-Famène. À Marchand-Famène. Ouais, allez, très c'est parti, belle ville. On y va. On proposait 330 km/h pour le jeu, on sait pas, ça c'est plus. Allez, Marchand-Famène, c'est parti. Adéco, Isabelle Debord, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle parce que j'aurais voulu du travail. Ah, c'est bien, vous tombez au bon endroit. Ben voilà, c'est pour ça que je vous appelais. Qu'est-ce que vous recherchez comme type de travail? Ben écoutez, je ne sais pas, je n'en ai jamais eu. D'accord. Et vous avez fait des études? Oui, un petit peu. Voilà, en passant. D'accord. Et qu'est-ce que vous n'avez donc jamais travaillé? Non, mais on m'a dit que c'était bien pour gagner de l'argent, alors du coup je voudrais essayer. Ah, c'est vrai, ouais, oui. Voilà. Il y a le chômage aussi, mais c'est moins drôle. Bah oui, mais ça fait un moment que j'y suis et bon, il commence à être un petit peu insistant pour que je trouve du travail. Et vous voyez bien faire quoi? Bah moi, peu importe, hein, vous savez, du moment qu'il y a un peu d'argent à la clé et que, vous voyez, moi c'est pour compenser la perte du chômage, quoi, surtout. D'accord. Ce monsieur, il aimerait bien travailler, mais il n'a jamais travaillé. Ah, voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Trouver un travail, sinon je ne vous appellerai pas. Et vous avez peut-être vu des choses qui vous intéressaient sur notre site, des offres d'emploi, vous êtes dit, bon, ça pourquoi pas? Bah non, parce que j'ai pas Internet, ça coûte cher Internet. D'accord. Non, j'ai la télé par contre. Vous avez la télé, ouais. Oui. Mais moi j'aimerais bien travailler à la télé ou peut-être à la radio aussi, ça serait pas mal. Ah, la télé, bah écoutez, oui, vous voulez qu'on, je sais pas moi, Canal Plus, ça vous dirait ça? Ah oui, ça n'existe présentateur plus. Du... C'est comment ça? C'est chouette, ça, comme émission, un truc marrant ou... Bah oui. Ah oui, moi, si je pouvais... Parce qu'en plus, bon, la télé, ça gagne bien, donc... Ah bah oui. Ah bah voilà. Donc oui, ça serait pas mal, parce que du coup, j'aurais plus besoin du tout du chômage. Bah voilà. Ah bah oui. Ah bah c'est bon, ça que c'est... Je crois que c'est le bon filon, ça. On va présenter votre candidature chez Canal+. Et vous pensez que ce sera possible, alors, pour la télé? Revoyez vos exigences à la baisse, peut-être. Les renseignements, c'est bien, ou dans un call center. Ah oui, bon, d'accord. Du bagou, quand même. Même si vous n'avez jamais travaillé, donc il faut mettre ça à profit. Bah oui, j'ai le temps d'apprendre. J'ai le temps de faire la conversation. Vous savez, au bar du commerce, on a le temps de discuter. Ah ben, on fait comme ça? Okay. Ah donc elle raccroche au nez. Elle avait la patience, mais pas trop longtemps quand même. Attends, hein, faut pas faire chier bébé. Hein. Mais pourquoi elle dit Canal+, ça existe plus depuis au moins 10 ans. Je sais pas, tu la rappelles et tu lui demandes. C'est dingue ça, c'est devenu BTV pour ceux qui savent pas. En fait avant c'était Canal+, maintenant c'est devenu BTV. Mais ça fait perpète hein. Bon. Elle est pleine d'humour quoi. Bon en tout cas Toff, c'est pas demain que tu vas travailler travail hein. Si, call center. Si, là j'y étais presque. J'étais presque embauché à Canal+. C'est vrai. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la merde de Kyle hier, ta gueule Cartman. Écoute Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Fun Radio, Mickaël à la radio. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Tous les matins sur Fun Radio, Mickaël à la radio jusqu'à 9h30, le morning dans toute la Belgique avec tous vos messages qui arriveront évidemment à partir de 6h30. On sera de retour en direct puisque là de 6h à 6h30, c'est le warm-up, les meilleurs moments de l'émission. Je vous rappelle aussi que vous pouvez les retrouver en podcast sur mikl.fm. Donc si vous voulez réécouter à tout moment, n'hésitez pas, mikl.fm. Et nous allons faire maintenant la déclaration express. La déclaration express, c'est qui est là aujourd'hui pour la déclaration express? Nous avons Sam, 20 ans de Charleroi. Salut Sam, 20 ans de Charleroi, 103.5 pour écouter Fun à Charleroi. Ça va bien? Salut. Ouais, ça va. Bon, et d'ailleurs, on remercie tous les auditeurs de Charleroi, puisque grâce à eux, nous sommes premiers à Charleroi, donc ça fait plaisir. Oh. Eh oui, bah c'est normal. Oui. Non, mais en toute simplicité, je veux dire. Oui, ah bah écoute, évidemment. On est quand même les meilleurs. Mais voilà, même. Non, mais. C'est qu'est-ce naturel. Qu'on ferait sans les Carolos? Et puis, on n'est pas modeste, c'est ça qui est bien. Ah non, c'est ça. Bon, Sam, alors, t'appelles pour la petite déclaration express, toi? Ouais. On va donc appeler ta copine, ta future copine, ta future ex-copine. Non, ma copine. Ta copine, ok, très bien. Eh ben écoute, c'est parti, on va l'appeler, elle s'appelle comment ? Cassandre. Cassandre, eh ben écoute, on l'appelle, tu lui dis, voilà, machin, j'ai un truc à te dire, elle va dire, ah bon, bah c'est quoi ? Et puis là, hop, attends, là, nous... c'est pas sûr de répondre. Ouais, bah tant pis, au pire, si c'est le répondeur, tu dis quand même, voilà, j'ai un truc à te dire, écoute. Ah, mais... pareil. Ah, ça va. Bon, allez, c'est parti. Ça ne sonne pas. Ah, voilà. Si, monsieur. Oui, bah je m'inquiète un peu. C'est la téléphonie qui est lente. C'est vrai. Lent. Et puis, il y aura un écran plat à gagner aussi après, hein, avec la devinette qui colle, là, donc restez bien là. Oui, effectivement, ça risque d'être un répondeur à cette heure-ci. Hein. Ouais, mais la pauvre, on l'a pas prévu. C'est comme quelqu'un qui m'a appelé sur mon portable à 8h03. Mais les gens, d'habitude, je dors à cette heure-là, vous êtes fous, quoi. Non, mais attends. For English, press 1. For Netherlands, druk op 2. Allez. Welcome by voicemail. Oh, pas tout recommencer, sans déconner. Elle est néerlandophone, ta copine ? Non, c'est Toff qui a appuyé sur le mauvais bouton. Non, non, j'ai appuyé exprès sur deux. Bah oui, oui. Oui, bon. Oui, bon, bah c'est bon, hein, c'est long. Acte de wave. Allez, on y va, hein, Sam. Un petit peu de néerlandais n'a jamais fait de mal à personne. Ah, voilà, écoute, j'ai un truc à te dire. 3, 4. Jour où je t'ai croisé, je t'aurais bien donné une petite fessée, tu l'aurais mérité. Sur le net, tu te chattais en essayant d'éviter les dizaines de pervers qui voulaient voir ton derrière. Et quand j'ai cliqué sur ton pseudo, sur toi j'ai craqué. Et même si t'as pas la majorité, je pourrais être patient. Je montrerai pas les dents. Et même si j'ai trop faim, il me reste mes deux mains. Mais bon, ça fait 8 mois que Sam est avec toi. Donc au final, je crois qu'il t'a déjà mis. Non, on peut pas dire ça. Ouais, non, ça peut pas, non. Et voilà. Mais voilà. Ça a juste coupé au bon moment, ça, quelle voilà. Chance. Bon, ben voilà, Sam. C'est Sam qu'on a perdu ou c'est le répondeur qu'on a perdu ? Non, je crois que c'est le répondeur. Ah bon, voilà, Sam. Oui. Bah voilà, petite déclaration express, hein, j'espère qu'elle t'aura touché. Et tiens-nous au courant de sa réaction quand elle entendra le message aujourd'hui, hein, tu nous envoies un petit message, hein, d'accord ? Ouais, j'envoie un message à l'aube. Je peux faire une dédicace ? Allez, vas-y, profite, ouais. Ah, j'ai une dédicace à Roy Laben qui m'écoute ici en ce moment. D'accord. Voilà, c'est tout. Eh ben le message est passé, y'a aucun problème. Salut, salut Sam, à bientôt. Salut, salut, à bientôt. Allez, bonne journée. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil ? C'est bien ce que je pensais. Entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Radio. Et bon réveil tout le monde, c'est Fun Radio. Comme tous les matins, Mickaël à la radio avec le warm-up entre 6h et 6h30. Les factures qu'on vous paiera tout à l'heure à 7h10, 8h10 et 9h10. Et si vous voulez eh bien vous inscrire, c'est facile. 63,22, c'est 1€ par message. Débutez votre message par facture. Vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et restez bien là aussi, puisqu'à 7h15, on aura aussi la première giclée de la ligne anti-relou. Les premiers relous du jour seront là. Les meilleurs messages seront diffusés, bien sûr, dans la ligne anti-relou. Petit relou, voilà, je vous rappelle le numéro au passage aussi, 0473 86 0013. Et autre question maintenant, tiens, est-ce que vous connaissez tous Kamel Wally ? Bah ouais, c'était, oui, quand même. Bah, c'était le mec là qui fait toutes les comédies musicales qui cartonnent en ce moment. Oui, c'est ça, donc il a fait Cléopâtre, Le Roi Soleil, et puis il y a pas longtemps il a fait... chorégraphies, ouais. Ouais, et il a fait Dracula aussi. Ah, ouais. Et surtout il a fait la Star Academy. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ben là il va faire une nouvelle comédie musicale. Ah, et ça va être sur quoi alors ? Eh bah tu vas voir, on a la bande-annonce en exclusivité totale ce matin dans les Mickaël à la radio. Écoutez bien. Après le triomphe du Roi Soleil, je fais de toi mon essentiel. Après le sacre de Cléopâtre, Kamel Wally revient dans une toute nouvelle comédie musicale encore plus époustouflante. Kadhafi. Y'a rien à faire, je suis seul. La réalité de la vie du dictateur enfin mise en musique. J'ai trop premières scènes de combat encore jamais vues sur scène. Kadhafi, une comédie musicale très... What the fuck? Prochainement en tournée mondiale. Eh ben voilà. Eh, il fait pas que des trucs dégueulasses hein, quand même, Kamel Wally là. Il s'est refait, c'est beau. Moi je trouve ça beau. Alors, il s'est refait et ça c'est magnifique. Alors un carton à prévoir, hein, gros carton. Ah ben ça je m'en doutais, tu vois. Et puis il y a de la star sur scène, hein, c'est, et pas... puis, là, c'est ça. Il débarque pas tout seul le gars hein, quand non, même. Non, bah, il a une grande famille hein, donc. Ah, ouais, il y a quoi faire. Il y a une très très grande famille, je confirme. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Mickaël, à la radio. C'est encore mieux qu'un concert d'André Rieu. Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio, Mickaël à la radio tous les matins. Avec attention, le site qui marche également avec les podcasts, hein, ça se passe sur mickaël.fm. Si vous voulez aller réécouter les meilleurs moments d'émission, sachez que c'est possible. Voilà, mickaël.fm, vous allez dessus, c'est aussi simple que ça. Les infos de Julie arriveront tout à l'heure à 6h30, donc restez bien là. Et puis nous allons maintenant jouer à Mickaël Réveille la Belgique. Et qui est avec nous ce matin pour Mickaël Réveille la Belgique? Gérard, 39 ans de Péroé. Ah, Gérard! Allô, Gigi? Oui. Coupe ta radio derrière toi, Gérard, s'il te plaît. Oui. Voilà, coupe-la bien, là. Coupe-la vraiment bien, complètement. C'est plié. Bon, alors, Gérard, 39 ans de Pervé. Très bien, sois le bienvenu, Gérard. Tu vas jouer au Mickaël Réveille la Belgique, comme chaque matin, c'est magnifique. Oui, et le but du jeu. De quoi? Je dis bien bonjour à tout le monde. Eh bien, bonjour, Gérard. Eh bien, bonjour à toi, Gérard. Et donc, comme chaque matin, Mickaël Réveille la Belgique, en l'occurrence, vous réveillez la Belgique. Tu vas aller réveiller qui ce matin? Ah ben les enfants, ils viennent de faire une grasse matinée, ils viennent de monter à peine une heure, ils voulaient faire une nuit blanche avant que je vais les réveiller. Quel enfoiré, Gérard. Ça c'est génial. C'est dégueulasse. Quel âge ils ont les enfants? Ils m'ont mis jusqu'à maintenant c'est mon tour. Ils ont quel âge les enfants? J'ai une petite de 12 ans, un gamin de 10 ans, et alors ils ont une copine qui est ici, qui a 12 ans aussi quoi. D'accord, ils ont fait une nuit blanche. Ils ont fait une nuit blanche. Oui, blanche, oui. Ah oui, okay. Ils voulaient s'amuser, jouer, bah ils vont okay. faire la... Ah ben voilà, maintenant... Eh ben voilà, tiens. Alors, attention, ce que je te demanderais, c'est quand tu vas rentrer dans la chambre, tends bien le téléphone vers eux. Parce que comme toi, tu vas crier, on va très bien t'entendre, donc mets pas ton téléphone à côté de toi, comme ça on entendra leur réaction, d'accord? D'accord, ok. Voilà, et donc quand tu cries, tu dis bien, Mickaël réveille la Belgique, tous les matins sur Fun Radio, c'est parti, je coupe la musique pour bien écouter. Ok, oui. Vas-y. Je quoi? Je dois répéter quoi? Mickaël réveille la Belgique tous les matins sur Fun Radio. Ok. Allez, vas-y. C'est mal pour eux. C'est bon, quel père. Allez, Simon, là, Mickaël, sur Fun Radio, réveille la Belgique, là. Allez, on se réveille. Bah, si on se réveille, il faut dire quelque chose. Dis bonjour, Mickaël. Oh. Mais pourquoi on arrête? Ben, on fait une nuit blanche. Ben non, il faut se réveiller. Allez, Simon, on se réveille. Les petites voix endormies. Ouais, bah, ça va. Bah, attends, les petits chatons. Mickaël, sur Fun Radio, tu me dis bonjour. Tu vas dire bonjour. Mais qu'il aille sur bonjour. Allez, vas-y. Qu'il aille se faire foutre, ce con, alors. Non, il parle pas comme ça, son père. Non, il parlait de moi, je pense. Ah, ouais. Ah, ça a coupé, malheureusement. On l'a plus. Okay. Là, il est parti. Non, c'est pas grave, Gérard. Gérard, bravo à toi. En tout cas, on va te filer les cadeaux comme promis. Embrasse tes gosses pour nous. Et puis, bon, ils vont te haïr pendant au moins toute la journée, mais c'est pas grave. Hein. Tu restes... mais ça, c'est pas grave. Bah, oui, tu restes au standard, Gérard. Merci à toi, à bientôt. Merci, à bientôt. Ouais. Allez, salut, Gérard. Bah voilà, bon l'esprit, ça. Si vous voulez faire pareil, 30-44, débutez le message par réveil. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio.